partager. Il nous aurait trouvé dans les rues de la misère. Nous essayons de réparer toutes les souffrances que tu répands. Autour de toi, ouais, tourne-toi. Autour de toi, non. Avec tes avions, avec tes autos, avec ton argent, avec tes relations, avec tes télé, tes radios, tes journaux, toutes les souffrances que tu répands autour de toi, autour de toi. Avec ton flagrant refus de la vraie démocratie, lorsque ce sont les financiers non élus qui dominent le monde. Avec ton rejet sournois de la démocratie vraie, lorsque les partis au pouvoir ne sont élus que par une minorité de la population, et que la majorité qui ne veut pas de leur offre politique n'est toujours pas reconnue. Toutes les souffrances que tu répands autour de toi, autour de toi. Avec tes censures, les pires qui soient, qui touchent non aux mœurs, mais à la culture, à la pensée et aux arts. Avec les persécutions des désirs humains les plus nobles, qui sont bien de ces crimes que nul réforme morale et sociale l'effaceront aisément. Tu voudrais que tout adulte stagne dans la tranquille. Toutes les souffrances que tu répands autour de toi, autour de toi. Avec ta brutalité barbare de nantis, qui refuse toute réelle concurrence et aboutit aux féodalités illégales d'aujourd'hui, avec tes viols perpétuels des consciences, ton apologie honteuse du mensonge qui est impercutible, preuve juridique de ton gangstérisme si pollueur. Toi le trop riche, avec ta mentalité de régressif et d'arriéré, qui perce bien dans son refus frénétique des bras et des bas, toutes les souffrances que tu répands autour de toi, autour de toi. Parce que c'est des bonnets partagés, tu nous aurais trouvé dans les rues de la misère. Autour de toi, autour de toi.